marché sur la Lune il y a 50 ans cet été, et si, d'ici 30 ans, on y dormait? L'Agence spatiale européenne a relancé l'idée d'une base lunaire permanente, mais elle n'est pas la seule sur le coup. Après les satellites, les sondes, les atterrisseurs et les rovers, c'est au tour des drones d'intégrer l'arsenal de l'exploration spatiale, avec la perspective d'un drone partant à la découverte des lacs de méthane de Titan. Et enfin, que faire lorsque les méthodes actuelles de transport et de stockage de l'information tendent à plafonner? Eh bien, utiliser des photons, oui, mais canalisés grâce à la topologie. Vous comprendrez tout à la topologie photonique à la fin de cette émission. Village lunaire, drone sur Titan et photonique topologique, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ce programme et commenter l'actualité scientifique fournie de la semaine, la joyeuse équipe de vulgarisateurs qui rempile avec nous pour cette quatrième saison est composée aujourd'hui d'Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour David Loapre. Bonjour. De la chaîne YouTube Science Étonnante. Et Sean Bailly, bonjour. Bonjour à tous. Du magazine Pour la Science. Mais avant d'ouvrir nos trois dossiers du jour, on revient en long, en large, et surtout en travers sur l'actualité scientifique du jour et de la semaine dans le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour à tous. Et on commence avec le premier sujet de ce journal, une nouvelle méthode pour vacciner les plantes de virus qui est en cours d'élaboration. Ce serait une alternative aux pesticides ou aux OGM. Le cytomégalovirus, par exemple, peut détruire des champs entiers de citrouilles, de concombres et de melons. Une équipe internationale de biochimistes vient de publier leurs travaux. Et leurs résultats sont très encourageants. Ils ont testé leurs molécules sur des plantes, par spray, et 90% d'entre elles n'ont pas été infectées par le virus en question. Pour cela, ils se sont calqués sur le système de défense naturelle des plantes. Ils ont identifié les molécules les plus combatives contre les agents pathogènes. Pour bien comprendre, quand un virus attaque un organisme, il l'infecte en produisant des ARN viraux. Pour se défendre, la plante peut couper ces molécules avec des ciseaux à enzymes, ce qui produit alors de petits ARN interférents. Des milliers en sont produits, sauf qu'ils sont peu à être efficaces. Sven-Erik Behrens est responsable de cette étude et biochimiste à l'université de Halle-Wittenberg. Il détaille pour nous son processus de criblage. We developed a method that is capable to identify exactly. On a développé une méthode capable d'identifier exactement sur les milliers de petits ARN interférents fabriqués par la plante quels sont ceux qui sont immunologiquement efficaces contre le virus. That we, let's say, use a so-called in vitro system, so we add. Dans des expériences in vitro, nous avons ajouté aux ARN viraux notre extrait cellulaire qui contenait ces enzymes actifs. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fractionné les ARN interférents actifs. Ceux qui précipitent les défenses immunitaires en guidant un groupe de protéines complexes appelées argonautes et qui détruisent les ARN nuisibles. Puis, toujours in vitro, nous les avons testés pour vérifier s'ils étaient capables d'agir contre le génome du virus. En bref, hier, dans la revue PLOS Pathogens, des chercheurs espagnols ont identifié une nouvelle mutation génétique qui immunise naturellement du VIH. Après la mutation du gène CCR5 identifié chez Timothy Brown, le patient de Berlin, voici le gène TNPO3. La mutation de ce gène est rare, elle ne touche qu'une centaine de personnes au monde et elle provoque une maladie musculaire tout aussi rare. Le gène TNPO3 était déjà connu des virologues car il est impliqué dans le transport des cellules virales. Les généticiens de Madrid ont tenté d'infecter une famille porteuse de cette mutation, en vain. Pour l'élaboration d'un traitement anti-VIH, cette découverte est une nouvelle piste de recherche. Et aux États-Unis, les limitations sur les fuites de méthane dans les puits d'extraction de gaz vont être abrogées. C'est ce qu'a déclaré hier l'administration de Donald Trump, que les réglementations ne devaient pas réprimer l'innovation et le progrès. Si les fuites de méthane ont été limitées par Obama en 2016, c'est parce que l'industrie pétrolière et gazière est responsable de 13 à 20% de ces émanations. Et surtout parce que le méthane est l'un des gaz à effet de serre les plus puissants, 20 fois plus réchauffant que le CO2. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal, avec la création du premier microprocesseur, non pas en silicium, mais en nanotubes de carbone. On peut parler d'une prouesse technique. Les nanotubes de carbone ont des propriétés électroniques et mécaniques remarquables. Ils possèdent le record de conductivité thermique, mais du fait de leur taille nanométrique, ils sont extrêmement difficiles à manipuler et ils présentent une très grande variabilité de leurs propriétés électroniques. Cette étude parue jeudi dans Nature a permis de contourner un certain nombre de verrous qui existaient jusqu'à maintenant. Les chercheurs du MIT ont créé ce prototype. C'est une étape importante, mais il y reste quelques limites. Déjà, les performances du processeur sont très restreintes. À 10 kHz, on est proche des capacités des premiers Intel des années 70. Et surtout, il a fallu 14 000 transistors en nanotubes de carbone pour son élaboration. On est donc encore loin d'une fabrication de masse. Taki Kontos est chercheur CNRS et spécialisé dans les nanotubes de carbone. C'est une collection de nanotubes de carbone. C'est un peu comme une espèce de plat de spaghettis qu'on aurait étalé sur une surface et qu'on serait venu connecter avec des morceaux de métaux, en fait. Ce sont des spaghettis nanométriques, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un seul spaghetti attaché à deux électrodes et puis connecté aussi à une troisième électrode pour faire une géométrie de transistor au final. Et ça, en fait, l'étude, comme en paru dans Nature, en est très loin. Ça, c'est en fait, cette étude représente un très bel espoir. Mais si on veut utiliser en fait les potentialités ultimes des nanotubes de carbone, on devra se passer des astuces qui ont été utilisées dans cette étude. Parce que cette astuce utilisée dans cette étude repose sur le fait qu'on a affaire à un très grand nombre de nanotubes de carbone. L'intérêt des nanotubes de carbone est qu'ils donnent l'espoir d'une miniaturisation extrême, puisque ce sont des objets nanométriques, bien plus grande que la miniaturisation qu'on a actuellement dans les processeurs. En bref, si l'apparition des premiers dinosaures était liée à une augmentation du taux de dioxygène dans l'atmosphère. C'est une théorie suggérée cette semaine par des géochimistes et des géologues américains. Des roches du plateau du Colorado ont été de nouveau examinées. Grâce à une nouvelle technique de mesure des niveaux d'oxygène dans d'anciens minéraux, ils se sont aperçus qu'entre 225 et 230 millions d'années, les taux d'oxygène avaient bondi de 30%. Au même moment où apparaissent ces pics, on voit apparaître les premiers dinosaures nord-américains. Il reste à définir s'il s'agit là d'un rapport de cause à effet ou d'une simple coïncidence. Voilà, tout au long de la semaine dans le journal des sciences qui est quotidien, désormais depuis lundi, il a été question notamment des conséquences sur la biodiversité des incendies en Amazonie, de la non-interdiction ou des tests sur les abeilles de la Commission européenne, de la découverte d'un crâne d'Australopithèque de 4 millions d'années et d'une étude qui montre comment les stéréotypes de genre fonctionnent, même chez les scientifiques. Vous pouvez retrouver tous ces sujets sur le site du France Culture et de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Mais également, Natacha, cette semaine, en ultra bref en sciences. Le Népal a décidé d'interdire le plastique à usage unique. Chaque année, les 150 000 touristes qui montent sur l'Everest laissent derrière eux 3 tonnes de déchets. L'interdiction devrait entrer en vigueur dès janvier 2020. En bref toujours, la NASA a annoncé le lancement de la mission Europa Clipper, avec pour destination Europe, la lune de la planète Jupiter. Sous sa surface se cacherait un océan gigantesque. Le lancement de la sonde est prévu pour 2023. Et le vendredi tout de même, parce qu'on ne pouvait pas s'en séparer comme ça, nous avons gardé notre rubrique hebdomadaire de sciences improbables. Et pour bien commencer la saison, et comme il fait relativement chaud encore dehors, nous vous parlons de la revue American Thoracic Society qui relate un cas rare, un homme hospitalisé après avoir reniflé ses chaussettes. On pensait que cet homme de 37 ans souffrait d'une pneumonie. Il s'agissait en réalité d'une infection fongique pulmonaire, autrement dit d'une mycose invasive. Il avait pris l'habitude de renifler chaque soir ses chaussettes, inhalant donc quotidiennement les champignons microscopiques sous ses orteils. Voilà. On va essayer de sortir dignement de ce journal. Merci beaucoup, Natacha. Vous restez avec nous. Faites attention, toujours évidemment, les chaussures sur le balcon. Néanmoins, Olivier, Sean, David, un mot peut-être sur l'actualité scientifique de la semaine, celle que nous avons évoquée dans ce journal ou dans les autres numéros du Journal des sciences en quotidien, Olivier ? Peut-être la découverte de cet Australopithèque de 3,8 millions d'années, qui donc est plus vieux que Lucie, la fameuse Lucie. Alors c'est intéressant parce que c'est pour la première fois qu'on trouve un crâne aussi bien conservé. Avant, on avait des petits bouts de mandibule, des petits morceaux de dents par-ci, par-là. avec un petit bout de dent, avec un petit bout de phalange, on arrive, les paléontologues arrivent à reconstituer un hominidé. Mais là, on a un crâne en entier. Donc c'est assez stimulant, et peut-être que ce personnage va devenir une icône de la science, on peut parier là-dessus. Ce qui est, du point de vue scientifique, plus intéressant peut-être, c'est que cette découverte, elle montre que la lignée de la vie qui amène à l'espèce humaine, elle est vraiment compliquée, quoi. On pensait précédemment que l'espèce qui est caractéristique de ce nouveau représentant, qui a un nom un peu barbare, il s'appelle MRD, c'est pas mort de rire, c'est MRD, voilà. On pensait que c'était lui qui avait donné l'espèce dont Lucie est la représentante la plus illustre, mais on voit avec cette découverte que ce sont deux espèces qui ont pu vivre en même temps l'une de l'autre. Alors ça pose des questions sur est-ce qu'ils ont été en confrontation pour l'espace, pour l'alimentation. En tout cas, voilà, c'est pas l'un qui a remplacé l'autre. Tout est toujours plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Et on va vous remettre le lien vers l'émission d'ailleurs où on explique qu'effectivement à chaque découverte, hein, que ce soit Homo lusonensis, cette découverte-là, et bien cet arbre d'évolution du genre Homo qu'on imaginait être une sorte d'arbre avec un gros tronc et puis quelques petites branches, ça devient finalement une sorte de buisson et dont on n'a pas fini de découvrir des ramifications. David, il y avait des éléments de l'actualité de la semaine sur lesquels vous vouliez réagir? Ouais, alors moi j'ai retenu un sujet un petit peu exotique, c'est la réalisation d'un moteur composé d'un seul atome. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que généralement quand on étudie les moteurs, donc c'est la science qu'on appelle la thermodynamique, et c'est des choses pour lesquelles ça ne marche que parce qu'il y a énormément de particules. On est de l'ordre de milliards, de milliards, de milliards. En fait là, les chercheurs donc qui étaient irlandais et allemands ont réalisé pour la première fois un moteur thermique avec un seul atome. Ce qui est assez singulier parce que quand on n'a plus qu'une particule, il y a tout un tas de choses dont on avait l'habitude quand on parle de thermodynamique, comme la chaleur, la température, etc., qui deviennent des quantités qu'on n'arrive plus à définir. Donc j'avais trouvé que c'était une réalisation intéressante, à la fois sur le plan expérimental, mais aussi sur le plan théorique. Sean ? Je voulais revenir sur les incendies au Brésil. Mm-hmm. Le président brésilien a annoncé là qu'il y avait une interdiction sur les brûlis pour 60 jours. Donc enfin, il y a eu une réaction. Maintenant, comment mettre en place ça alors qu'il y a 1000 départs d'incendies qui sont recensés chaque jour? Donc ça va être compliqué, on ne sait pas trop comment sortir de cette crise, mais peut-être qu'il y a un début de réaction politique qui a facilité le début de cette crise aussi, donc peut-être un peu d'espoir. Et on y reviendra pour notre part mercredi prochain dans les idées claires pour essayer de comprendre, puisqu'on en parle beaucoup effectivement cette année, mais quelle est la quantité exacte d'incendies qui se déclarent dans la forêt amazonienne tous les ans, comment ces incendies se déplacent et ce que peuvent en dire les géographes notamment et les écologues. On en parlera mercredi dans le premier numéro de cette nouvelle saison des idées claires. Peut-être un mot aussi en termes d'exploration spatiale, on va parler de la Lune, on va parler de Titan. À titre personnel, j'aime beaucoup Europe. J'ai beaucoup d'espoir pour Europe. J'y crois énormément. On en avait parlé hein, autour de cette table. La NASA confirme Europa Clipper. Ça veut dire que peut-être à terme, il y a quand même pas mal de choses à découvrir sur Europe, David. Oui, alors la particularité, c'est que il va falloir, si on veut espérer trouver des choses, par exemple liquides, il va falloir aller sous la surface. Alors il y a les geysers. Il faut passer dans les geysers. Donc les geysers, ça permet tout de même de faire de la spectroscopie. Et de faire des mesures pour essayer de faire un peu d'astrobiologie, effectivement. Ouais. Mmh. Olivier, il va falloir se perfectionner dans l'art des foreuses spatiales, puisqu'on a vu avec la mission ExoMars que faire un trou sur la surface d'un astre extraterrestre, c'est pas très facile, puisque ExoMars est pourvu d'une petite foreuse qui s'est coincée à quelques centimètres dans les profondeurs du sol, alors qu'elle devait gratouiller bien bien plus profond. Et là, dans le cas d'Europe, effectivement, il y a les geysers, mais il faut surtout casser la croûte de glace pour aller voir ce qui se passe en dessous. Mais effectivement, ça fait rêver, hein, un calamar géant d'Europe, ça serait magnifique. Un calamar géant, comme vous y allez, peut-être des micro-organismes. Ce serait déjà formidable. Sean, un mot sur cette mission Europa Clipper? Je pense qu'on va en savoir plus sur les mécanismes qui permettent d'avoir de l'eau liquide. Et Europe n'est pas la seule. Il y a Encelade aussi. Peut-être Pluton. Peut-être même Titan. Sous la surface de Titan, on va en parler dans un instant. Ouais. Donc connaître les mécanismes d'avoir de l'eau liquide sur ces planètes, c'est extraordinaire. Un mot pour vous dire qu'encore une fois, vous pouvez retrouver le Journal des Sciences sur franceculture.fr, en podcast dédié sur le site. Tous les jours, le Journal des Sciences est publié quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant l'émission. Et Natacha, merci beaucoup. On vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Journal des Sciences quotidien. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, eh bien, on ouvre les trois dossiers de notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Premier dossier, il ne faut pas être grand clair pour se dire que ce 50e anniversaire du premier pas de l'humanité sur la Lune, au mois de juillet, a relancé l'intérêt du public et donc... dans la foulée des agences spatiales pour le satellite de notre planète. C'est d'ailleurs l'une des ambitions affichées de l'actuel président de l'Agence spatiale européenne, Yann Wörner, qui répète à qui veut l'entendre son désir d'établir une base lunaire pérenne qui pourrait accueillir en permanence d'ici 2050 quelques centaines, voire même un millier de personnes. Vu d'ici, Olivier, ça a beaucoup l'air encore d'un scénario de science-fiction, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que il y a des gens qui y croient. J'allais dire dur comme fer, en tout cas qui porte la voix haut et fort sur ce projet. La première d'entre elles, de ces personnes, c'est Claudie Aigneret, la première femme astronaute française, qui est aujourd'hui la porte-parole pour l'ESA de ce projet de Village Moon. Et Claudie Aigneret explique que aujourd'hui, effectivement, on en est à l'étape de la vision. C'est une vision. Technologiquement, on ne sait pas le faire. Mais elle dit que ces freins technologiques, ces frontières, elles peuvent être dépassées dans les années qui viennent pour qu'à brève échéance, on puisse effectivement bivouaquer sur la Lune. À brève échéance, ça veut dire que dans cette vision, pour reprendre ce mot qui est porté aussi par le président de l'ESA, Yann Wörner, vers 2030-2035, on pourrait voir éclore cet embryon de base lunaire qui aurait pour vocation d'accueillir des gens sur la durée. On y vivrait, on y cultiverait ses patates, on y ferait son électricité, il y aurait tout pour être autonome. Alors, je veux pas faire mon pessimiste crasse, mais enfin 2030, c'est dans 10 ans, ça paraît une échéance très très courte. Est-ce qu'il y a déjà un plan? Est-ce qu'il y a déjà des étapes? Est-ce que pour le moment, c'est vraiment juste une volonté qui est portée haut et fort par Claudie Aigneret? Alors, il y a un plan de construction, puisque c'est en 2015 que Yann Wörner est sorti du bois avec ce projet, le président de l'ESA, de Village Lunaire. Mais depuis des années, il y a une petite équipe de l'ESA qui réfléchit à la façon dont on pourrait construire cette base. Et leur idée principale est d'utiliser la matière première qu'on trouve en abondance sous ses semelles quand on est astronaute et qu'on va sur la Lune, c'est la poussière lunaire qu'on appelle le régolithe. Et ce régolithe, il pourrait avoir des propriétés intéressantes parce que on sait que une couche de régolithe suffisamment importante, elle pourrait agir comme une bonne protection contre les agressions extérieures qui sont inhérentes à la présence d'un être humain sur la Lune. Parce que la Lune, elle n'a pas d'atmosphère, donc les météorites, qu'elles soient petites ou grosses, c'est très dangereux. Les rayonnements cosmiques et solaires, ça vous grille aussi, si je puis dire, un astronaute. Et il y a aussi la variation de température, puisque on peut aller de 120 degrés le jour à moins 170 la nuit. Donc évidemment, c'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Donc l'idée est de construire des sortes de petits igloos dont la carapace extérieure est constituée d'un agglomérat de régolithes. Et pour faire ces igloos, la cellule de réflexion de l'ESA a déjà effectivement ses plans. Ils ont scénarisé l'arrivée d'un module de construction sur la Lune et expliquer comment, étape par étape, elle pourrait procéder. Et alors, racontez-nous, étape par étape, on veut tout savoir. Alors, vous retrouverez tout ça, évidemment, dans le magazine Hashtag Science, qui est le magazine pour les jeunes conçu par Science et Avenir, et dont le deuxième numéro sort jeudi prochain, et dans lequel notre journaliste Marine Benoît a fait un papier sur le village lunaire, et on reprend par une série d'infographies le processus. La première étape, c'est d'arriver sur la Lune avec un atterrisseur, qui ressemble aux atterrisseurs classiques, mais qui porte au-dessus de sa tête une sorte de grosse capsule cylindrique qui peut évoquer une canette géante, qui contient tout le matériel nécessaire à la construction de la Lune, En revanche, de la station, de la, parce station, que la Lune, elle est déjà construite, a priori, elle est déjà là, par quelqu'un qui avait d'autres ambitions d'autres architecturales. Projets, d'autres plans. Et cette canette, une fois qu'elle a basculé sur le sol de la Lune, elle s'ouvre, elle libère sans doute deux rovers. Aucun astronaute vivant, c'est une mission entièrement automatisée. Deux rovers, et puis surtout, elle va déployer une sorte de tente... on va pas dire de marque, mais enfin... Si je... De tente de forme, comment on dit, de celle qu'on lance et qui s'ouvre toute seule. Voilà, absolument, voilà. Absolument. Et une fois qu'elle est ouverte, cette tente, les petits rovers vont se déployer autour. Et ces rovers, ce sont des rovers bien particuliers. C'est pas Curiosity numéro un énième rover tel qu'on les connaît déjà bien. C'est des rovers imprimantes 3D. C'est-à-dire que à une extrémité de leur anatomie, ils ont une sorte d'aspirateur qui va avaler la poussière lunaire. Elle va se rentrer dans le réservoir du rover où elle va être mélangée à un liant. Alors justement, ils sont en train de réfléchir à quel liant. Ils pensent par exemple, l'ESA pense à l'acide phosphorique. Et le mélange constitué de la régolithe et de ce liant va être utilisé par l'autre extrémité du rover qui fonctionne comme une tête d'imprimante et qui va déposer couche par couche sur notre fameuse tente qui est molle une carapace rigide, dure, qui va devenir la paroi extérieure de notre dôme lunaire. Et alors, du coup, ça, ce serait... Aujourd'hui, ça, cette technologie, elle est totalement au point. Totalement au point, non. Ce serait beaucoup s'avancer, d'une part, parce que de la régolithe en quantité suffisante sous la main, on n'en a, par définition, pas. Donc, il faut travailler avec des environnements dits « analogues ». Mais là aussi, sont de la roche volcanique, qui est essentiellement composé effectivement à partir de roches volcaniques, avec optimisé pour ainsi dire pour ressembler à la poussière lunaire, parce qu'on a quand même du matériau lunaire. Hein, on a vu à l'occasion de l'anniversaire, kilos, voilà, on a ramené beaucoup de cailloux. Les missions Apollo ont ramené beaucoup de cailloux de la Lune, donc on sait de quoi elle est composée. Mais effectivement, l'idée c'est d'expérimenter dans des conditions les plus proches possibles de la réalité. Et à cet égard, l'ESA va ouvrir à la fin de l'année, fin 2019. À Cologne, en Allemagne, dans son centre d'entraînement des astronautes, un environnement dit analogue, parce qu'il ressemble à l'environnement lunaire, et qui reproduit dans un hangar de 1000 m² la surface de la Lune. Et l'idée sera d'expérimenter sur ce site des idées telles que celles qui relèvent de la construction des dômes. Mais pas seulement, parce que construire sur la Lune... C'est pour y habiter, mais une fois qu'on est là-dessus, il faut bien vivre. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle d'expérimentation scientifique, de technologie pure, les équipes de l'Agence spatiale européenne, elles sont pourvues, elles savent faire. Mais pour ce qui concerne la construction d'un village, enfin qui dit village dit presque place de village, dit route, infrastructure, eh bien ça, ils ne savent pas faire. Et justement, l'ESA, à l'heure actuelle, fait une sorte d'appel à la collaboration d'entreprises publiques, privées, entreprises de BTP, pour leur dire, venez travailler avec nous sur ce sujet, pour qu'on réfléchisse ensemble à la façon dont on pourra demain construire cette base sur la Lune. Mais alors, pour reprendre le déroulé putatif pour le moment, donc il y a ces deux rovers qui viennent construire, disons, le premier dôme ou le premier bâtiment, et ensuite, à quel moment arrivent les premiers scientifiques, les premiers chercheurs, les premiers ingénieurs, et comment est-ce qu'ils contribuent à développer cette base? Elle va finir par avoir combien de modules, quelle surface? Est-ce que tout ça est déjà prévu, ou est-ce que c'est encore dans un flou lunaire? Alors, le périmètre exact de la Lune, décidément j'y tiens, la base celui-là, lunaire... Celui-là, on le connaît, c'est l'autre architecte. Voilà. Oui. Non, il n'est pas encore connu, j'allais dire par définition aussi, puisque l'ESA appelle à la collaboration extérieure d'entreprises, mais aussi d'autres pays. Il faut rappeler à cet égard que la Station Spatiale Internationale, c'est un peu moins d'une quinzaine de pays de mémoire qui travaillent main dans la main depuis une vingtaine d'années. Donc la collaboration internationale, ça peut marcher, ça a marché pour la Station Spatiale, et donc pourquoi pas demain pour cette base lunaire. Donc non, on ne sait pas exactement le périmètre que ça pourra avoir. Quant à dire à quel moment des équipes humaines pourront mettre le pied sur la Lune pour commencer à travailler à cet embryon de base, ça pourrait être vers 2025. 2024, la date de 2024 est une date qui revient beaucoup dans le retour de l'homme sur la Lune, notamment parce que c'est celle qui est dans la ligne de visée des Américains. La NASA disait depuis quelque temps qu'elle espérait revenir sur la Lune en 2028, faire reposer des astronautes sur la Lune en 2028. Mais il y a très peu de temps, Trump leur a mis un coup d'accélérateur pour faire en sorte que ce retour soit en 2024. Il y a les États-Unis pour 2024, la Chine 2040, les Japonais en 2030, les Russes en 2029. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'ESA qui a cette idée. Pour le moment, ces différents projets avancent chacun dans son coin. C'est la course à l'échalote, ou est-ce que dès aujourd'hui, comme vous l'évoquiez, Olivier, comme pour l'ISS, il y a une volonté finalement d'avancer ensemble, pas à pas, main dans la main, pour construire une sorte de village international? Cette volonté, elle se traduit plutôt au travers d'un autre projet, je dirais, qui est celui du Gateway. Le Gateway, c'est cette station, c'est à nouveau une station spatiale qui sera internationale, mais qui va prendre le relais de celle qu'on connaît aujourd'hui et qui gravite à quelques 300 km au-dessus de nos têtes et dont on sait qu'elle arrive en fin de vie. Donc la nouvelle station, Gateway, c'est une station qui sera en orbite de la Lune. Et là, les premiers lancements par les Américains, c'est quand même un projet qui est poussé par les Américains, mais sur lequel se greffe déjà l'ESA notamment, qui veut construire un des modules. Le premier lancement pour construire cette station, ça devrait être en 2021. Et là, la NASA avance aussi que en 2024, le Gateway sera suffisamment en forme pour pouvoir accueillir ses premiers astronautes. Qui, de là, pourront venir sur la Lune. Le Gateway sera en quelque sorte le marchepied pour la Lune. Tout ça se fait dans un projet plus global et qui dépasse la Lune. Puisque si on veut aller sur la Lune, si on veut retourner sur la Lune, c'est pour, selon l'expression du patron de la NASA, c'est pour s'entraîner à vivre et à travailler sur un autre monde que le nôtre. Parce que celui qu'on a en ligne de mire, c'est évidemment Mars. Et aller sur Mars, qui est le projet qui tient à cœur à tous les grands acteurs du spatial, ça sera plus facile si on le fait en partant de la Lune, où la gravité est faible, plutôt qu'en partant de la Terre. Donc la base lunaire, ça doit être aussi le hub pour les décollages à venir vers la planète rouge. Autre question, ce village lunaire, il a aussi des ambitions affichées scientifiques. Quel type de science on peut faire en restant sur la Lune? Est-ce qu'on a besoin de rester sur la Lune pour faire de la science, ou est-ce qu'on va entendre des critiques comme celles qui sont émises à l'encontre de la station spatiale en disant que c'est le laboratoire le plus cher du monde pour y faire une science qui n'a aujourd'hui plus autant d'intérêt qu'on imagine? Il y a de la science pure et fondamentale sur la façon dont la Lune a été créée, et par ricochet, ça peut... C'est le cas de le dire, puisque la Lune aurait pu être constituée par un choc cosmique avec la Terre. Ça permet de savoir des choses sur la création de notre planète. Après, il y a tellement de choses à découvrir sur la Lune. Les Chinois ont posé pour la première fois, il y a quelques mois seulement, un rover sur la face cachée. Donc il y a la face cachée qui est toujours cachée depuis pour un observateur terrestre. C'est toujours la Terra Incognita. Il y a tout à y découvrir. Ensuite, on sait que l'exploitation de ressources lunaires pourrait être intéressant pour notre consommation énergétique sur Terre, puisqu'il y a sur la Lune en quantité un gaz qui est l'hélium-3 et qui pourrait être très intéressant si on arrivait à l'utiliser dans le cadre de la fusion nucléaire. Mais la fusion nucléaire, on ne sait pas la faire. Pas encore très bien. On va vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée d'ailleurs à la fusion. Oui, David, un mot sur cette base lunaire? Oui, moi je trouve ça assez fascinant sur le plan technologique, parce que là, quelque part, on parle de faire de l'impression 3D avec un matériau qu'on n'a pas sous la main, mais finalement, par exemple, aujourd'hui, c'est pas forcément très très rentable, mais on sait imprimer des maisons en 3D avec du béton, et donc il y a effectivement toutes les raisons de penser que même si le régolithe n'est pas exactement ce qu'on a sous la main, on doit pouvoir trouver des solutions technologiques pour imprimer en 3D des maisons sur la Lune. Sean ? Moi, je suis vraiment surpris et j'attends de voir vraiment le côté, la dimension politique et économique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des entreprises privées qui veulent partir elles-mêmes sur la Lune. Et les zones intéressantes où il y aurait de l'eau dans les cratères, des zones sensibles du coup où on pourrait installer les bases, sont peu nombreuses. Donc il va y avoir une course à qui arrive le premier. Et est-ce que vraiment tout le monde va s'unir pour faire ce village lunaire où chacun va y aller pour soi? C'est difficile à dire. Là, il y a des enjeux économiques sur la Lune qu'il n'y a pas sur la Station Spatiale Internationale. Donc, je suis vraiment curieux. C'est une belle idée, ce village lunaire. On verra si vraiment l'ESA arrive à rassembler avec les forces avec les Américains, les Chinois et les Japonais et d'autres, parce que il y a d'autres pays qui veulent aussi partir à la conquête de l'espace, qu'ils l'ont pas fait jusqu'à présent. Les Indiens arrivent en force, par exemple. Voir si les enjeux économiques ne corrompent pas ce beau projet d'entente internationale. Puis on ne sait jamais, une explosion et ensuite c'est Cosmos 99. Dragonfly sur France Culture à 16h33 dans la méthode scientifique du groupe Puma Rosa. Dragonfly, c'est le nom de la mission, troisième volet du programme New Frontiers de la NASA qui a été retenu fin juin dernier. Objectif Lune toujours, mais on change de satellite. Cette fois, une lune de Saturne, Titan, deuxième plus gros satellite naturel du système solaire, mais un satellite très particulier puisque non seulement il a une atmosphère, chose rare dans le système solaire, mais aussi des mers liquides, non pas d'eau évidemment à cette distance du Soleil, mais de méthane. Bref, Titan, c'est un véritable monde extraterrestre qui devrait donc bientôt révéler ses secrets grâce à une exploration par drone, David. Oui, alors bientôt, c'est plutôt pour 2034. C'est ça. Hein, mais oui, bon, vous savez, mais... en exploration spatiale, 2034, c'est demain. C'est vrai. Oui, vous disiez que votre préféré était Europe. Moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour Titan parce que c'est vraiment un satellite assez singulier. Et là, le fait de faire cette mission, dont la particularité est d'y aller en drone, rend la chose encore plus singulière. Parce qu'il se trouve qu'une exploration par drone, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ce serait possible. Ce ne serait pas possible sur la Lune, par exemple, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Et on l'oublie parfois, mais c'est vrai que pour faire voler un drone, un hélicoptère ou un avion, en fait, il y a besoin d'une atmosphère. C'est gênant parce que ça freine, mais en même temps, c'est ça qui permet de faire tenir des choses en l'air. Cette spécificité-là fait qu'on peut y aller avec un drone. Donc, la raison principale de cette mission, c'est de faire, là aussi, de l'astrobiologie, c'est-à-dire d'essayer de voir si on peut trouver des traces, pas forcément de vie, mais en tout cas de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire peut-être des molécules, des choses comme ça. Et la grosse particularité donc de Titan, c'est que c'est le seul astre du système solaire, à part la Terre, à avoir du liquide en surface, qui n'est pas de l'eau, parce qu'il fait beaucoup trop froid, il y a une couche de glace à certains endroits, mais il y a du méthane. Donc il fait moins 179, et à cette température-là, on peut trouver du méthane liquide. Et ce qui est fascinant, c'est que sur Titan, en fait, il y a l'équivalent du cycle de l'eau pour nous, mais c'est le cycle du méthane. Donc il y a des pluies de méthane, des rivières de méthane, des océans de méthane. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur Titan, c'est que finalement, il y a une topologie, une géographie qui pourrait faire penser à la Terre, mais sauf que c'est pas du tout avec les mêmes matériaux, c'est pas du tout les mêmes cycles, comme vous venez de le dire. Oui, c'est ça. Alors peut-être, pour fixer déjà l'échelle, donc c'est quand même une grosse lune, puisqu'elle fait en diamètre une petite moitié du diamètre de la Terre. Alors évidemment, en surface, en volume, ça fait moins, mais effectivement, c'est déjà une grosse lune. Et donc, sa structure nous fait penser qu'on pourrait trouver des choses intéressantes, notamment parce qu'il y a la présence de ce méthane liquide. Et il y a aussi de l'eau, donc il y a une couche de glace et a priori de l'eau liquide en dessous. Et là, l'idée, donc, c'est d'exploiter la spécificité de Titan, le fait qu'il y a une atmosphère pour poser un drone. Et alors, pourquoi un drone? C'est pour aller faire des prélèvements à plusieurs endroits différents. Quand on pose un rover, ses capacités de navigation sont assez limitées, donc il faut bien choisir le site. Et puis, ensuite, on bouge de quelques mètres, je sais pas exactement quel est le record, mais maximum peut-être quelques dizaines de kilomètres. Alors que là, avec un drone, mais en fait, on a la possibilité d'aller explorer plusieurs endroits et donc d'aller faire des forages et des analyses à plusieurs endroits. Alors un petit mot sur l'atmosphère de Titan, parce que c'est assez intéressant. En fait, c'est une atmosphère qui est très majoritairement composée d'azote, comme pour nous, et puis d'un petit peu de méthane, un peu à la façon dont on a un peu de vapeur d'eau et d'eau dans notre atmosphère. 5% de méthane, hein, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Et donc, alors, ce qui est assez fascinant, encore une fois, pour revenir sur cette idée un peu folle de poser un drone, c'est que comme la gravité est beaucoup plus faible, hein, c'est à peu près 7 fois plus faible, et que d'un autre côté, l'atmosphère est plus dense, donc c'est à peu près 4 fois plus dense. En fait, ça devrait être relativement facile, toute proportion gardée, de faire voler un drone, en tout cas beaucoup plus facile que ce que nous, on peut faire sur Terre. Et donc, l'idée, c'est de poser quand même une bête de belle taille, hein, puisque c'est censé être un drone sur la technologie avec quatre hélices qu'on voit dans les drones de loisirs. Alors, l'idée, c'est que chaque hélice soit doublée, parce qu'on n'est jamais à l'abri de défaillances dans ces situations-là. Évidemment, et ça va être des grosses hélices, hein, de l'ordre de 1 mètre de diamètre. Et donc, le principe du drone, c'est de se poser à certains endroits, de faire des mesures, et puis ensuite de faire des petits sauts de puce de 8-10 km pour pouvoir comme ça faire plus de prélèvements et couvrir une zone a priori de 150 km. Mais alors quel type d'instrumentation on peut mettre? Parce que sur des rovers, on peut mettre de l'instrumentation assez lourde. Là, comme ça vole, forcément, il faut alléger au maximum, mais il faut tout de même pouvoir faire de l'analyse, de la spectroscopie, de pouvoir creuser un peu. Alors, comment ça se passe? On revient au problème de creuser, puisque la partie spectroscopie va être pas forcément très différente de ce qu'on fait sur un rover. Évidemment, là, le problème de creuser sur quelque chose qui est quand même un peu moins, qui n'a pas la même architecture qu'un rover se pose. Et d'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'on évoquait cette question tout à l'heure. Je relisais l'histoire de Apollo 11. Et en fait, ils avaient déjà eu ce problème puisqu'à un moment donné, ils devaient creuser un truc dans le sol. Et en fait, ils avaient prévu un certain temps pour le faire. Et en fait, ils n'y arrivaient pas. Donc déjà, à l'époque de la première mission lunaire, creuser était l'étape difficile. Donc oui, il va falloir imaginer des choses particulières dans les patins du drone, je crois, pour essayer de faire des forages et espérer détecter des choses intéressantes. Et quoi d'autre comme instrumentation, du coup? Alors, il y a un aspect que moi j'aime bien, alors qui n'est pas de l'ordre de l'instrumentation, mais qui est plus de la technologie nécessaire pour faire tout ça, c'est que c'est bien gentil d'envoyer un drone, mais ensuite il faut qu'il puisse se déplacer, donc il lui faut de l'énergie. Et on pourrait se dire, bon, on va mettre une batterie, on va la charger bien, et puis on va l'envoyer. Mais en fait, ça marche pas très très bien. Déjà, c'est pas très très efficace parce qu'on stocke pas énormément d'énergie dans une batterie. Et puis le temps que le voyage se fasse, on n'est pas sûr que la batterie soit toujours là. Et donc, le drone sera équipé, comme pour les rovers d'ailleurs, d'un système assez original qu'on n'utilise pas du tout sur Terre, qui consiste à embarquer du matériau radioactif, donc ça sera du plutonium-238, qui va produire de la chaleur et ensuite fabriquer de l'énergie à partir de la différence entre la chaleur produite par le matériau radioactif et le froid qui va régner la nuit. Donc en fait, le drone va se recharger pendant la nuit de façon à ensuite pouvoir fonctionner pendant la journée, sachant que la nuit en fait dure un petit peu plus longtemps que chez nous, puisque un jour sur Titan, ça équivaut à 16 jours sur Terre. D'accord. Et en sachant que évidemment on est à cet endroit-là du système solaire, beaucoup trop loin du Soleil pour pouvoir avoir des panneaux photovoltaïques, voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'on cherche à savoir et à connaître de Titan, parce qu'on a déjà envoyé une mission sur Titan. Oui, on avait envoyé donc la mission Cassini, et donc on avait posé déjà une sonde qui s'appelait Huygens. Alors les néerlandophones vont me dire que c'est pas comme ça qu'on le prononce, mais c'est comme ça qu'on le prononce. Huygens. Donc ça, c'était une mission qui s'était posée en 2005, donc on avait déjà pu faire des clichés, on a des très belles images d'ailleurs qui nous montrent ces fameux lacs de méthane, etc. Ouais, ouais. Et donc là, il y a un peu deux choses intéressantes. Il y a à la fois le côté méthane et puis aussi le côté eau comme sur Titan. Il y a aussi la possibilité dans les geysers d'essayer de voir des choses. Et donc il y a des geysers de glace. Alors, c'est probablement une sorte de mélange de glace, d'eau et peut-être de gaz. Et donc comme toujours dans ces missions, en fait, on espère trouver des traces de chimie prébiotique, c'est-à-dire des molécules un petit peu plus complexes que ce qu'on trouve, ceux dont on sait qu'elles sont présentes. Donc on sait qu'il y a du méthane, on sait qu'il y a de l'ammoniac. La question, c'est est-ce qu'il y a des molécules plus complexes qui peuvent être des molécules dont on sait quels sont les précurseurs de la vie telle que nous, on la connaît, sachant qu'il faut probablement rester ouvert, puisque nous, la vie telle qu'on la connaît, c'est une vie qui s'est développée dans l'eau. Et là, il y a peut-être un espoir, si on peut dire, d'imaginer une forme de vie qui se serait développée dans le méthane. Donc, en fait, c'est important pour que la vie se développe telle qu'on le comprend, d'avoir un liquide, parce qu'on a besoin de beaucoup de réactions chimiques. Des réactions chimiques dans un solide, c'est pas très très rapide. Dans un gaz, en fait, c'est trop peu dense. Donc, en fait, un liquide, pour qu'il y ait des réactions chimiques qui se produisent pour créer une forme de vie, c'est l'idéal. Et donc, le méthane pourrait être un solvant qui aurait pu donner lieu à des réactions chimiques et donc former peut-être des choses qui sont différentes de ce que nous, on a sur Terre et dont on sait que c'est les ingrédients de base de la chimie de la vie sur Terre. Mais on a déjà des expériences ou des tentatives de reconstitution en laboratoire de milieux similaires à Titan qui peuvent nous donner de l'espoir, parce que a priori c'est tout de même une chimie assez hostile par rapport à ce qu'on connaît nous de la chimie prébiotique. Oui, alors je sais pas si on a déjà tenté de refaire quelque chose par exemple qui serait l'équivalent de la fameuse expérience de Miller. Donc l'expérience de Miller, c'est une expérience qui est assez vieille déjà, qui date des années 50, où Miller avait reproduit en laboratoire des conditions qui de son avis étaient proches de celles qui régnaient sur Terre à l'époque de l'apparition de la vie, et puis fait passer la soupe primordiale. Voilà, la soupe primordiale, faire passer ensuite des éclairs, mettre quelques molécules, dont du méthane d'ailleurs. Et puis ensuite, il avait retrouvé, après quelques jours, des acides aminés. Donc, qui sont les briques de base des protéines. D'ailleurs, certains acides aminés étaient des acides aminés qu'on ne trouve pas, nous, on peut les trouver sur Terre, mais ils ne sont pas utilisés dans la vie telle qu'on la connaît. Donc, on pourrait imaginer faire des choses analogues avec l'atmosphère de Titan, qui d'ailleurs, donnerait pas forcément des résultats très, très différents de ce qu'avait fait Miller, avec la difficulté que, en fait, cette expérience de Miller, on est obligé quand même de supputer des choses sur la composition de l'atmosphère, etc., sur la stabilité des composants qu'on obtient, et donc on n'est jamais complètement sûr que ce qu'on trouve là correspond vraiment à ce qui s'est passé à l'époque. Alors vous disiez tout à l'heure, David, 2034 a priori. Alors on sait que ce sont des dates qui sont des balises, mais qui sont là pour donner une distance, mais qu'elles sont souvent repoussées. Donc, mais tout de même, est-ce qu'il y a déjà, on l'a dit, hein, je crois que c'était le projet a été intégré, accepté par la NASA fin juin, mi-juin. Oui, c'est ça. Je me suis permis de récupérer une actualité petit peu plus vieille, comme l'été est passé. J'avais absolument bien fait. Est-ce qu'il y a une forme de rétro-planning d'ores et déjà? Est-ce que ça veut dire que le drone il va être lâché à partir d'un orbiteur? Est-ce qu'on sait à peu près comment ça va se passer? Alors oui, donc a priori, ça serait, donc si on suit le planning décollage 2026, atterrissage 2034, il faut à peu près 8 ans pour aller là-bas. C'est demain, c'est dans 7 ans, c'est incroyable. Alors, il y a déjà des prototypes du drone, donc ils ont quand même une idée assez claire de l'architecture du drone. Et donc l'idée, ça va être de le poser d'une façon un petit peu classique, hein, parachute, etc. Avec, j'imagine, ça pose des difficultés qui sont qu'on ne va pas poser forcément ça exactement de la même manière que un rover. Une chose que j'ai trouvé assez fascinante, en fait, dans cette histoire, c'est, vous l'avez mentionné, c'est ça vient de donc le programme de la NASA qui s'appelle New Frontiers, qui est une sorte d'appel à projet. Donc la NASA demande à ce que les différents laboratoires lui fassent des propositions. Et en fait, c'est allé assez vite. C'est-à-dire que je crois le projet a commencé à être imaginé peut-être il y a 2 ans, ce qui paraît pas énorme. Et donc voilà, sur cet appel-là pour New Frontiers, il y avait 12 projets en compétition. Et puis peu à peu, c'est celui-ci qui est resté jusqu'à la fin. Donc finalement, il semblerait que les idées aient maturé assez vite pour essayer d'imaginer cette mission. Un mot, Sean, Olivier. Bah, on apprenait ce matin que la mission Mars 2020, on sait déjà depuis un moment qu'elle va avoir elle aussi son petit drone hélicoptère. Ça ressemble vraiment à un petit hélicoptère. Et ce matin, on apprenait qu'il avait été fixé dans un petit réceptacle conçu à cet effet qui est sous le ventre du rover. Et donc l'assemblage a été fait ce matin. D'accord. Donc le petit adjuvant du rover qu'on connaît classique, le petit complice volant, là, ça va peut-être être une tendance du spatial dans les années qui viennent, je ne sais pas. Sean, un mot sur la mission Dragonfly ? Non, effectivement, le format... drone est assez marrant et on a envie de le voir voler. J'avais trouvé un chiffre de 450 kilos pour ce drone. Enfin, c'est juste se le représenter volant dans l'air. C'est ça, un ça beau bébé, une belle bête. Oui, c'est ça. Ouais. Et juste cette image-là, c'est assez marrant. Et c'est justement grâce à l'atmosphère de Titan qu'on peut se permettre d'avoir un drone assez lourd qui va voler avec une énergie, enfin une puissance relativement faible, parce que c'est 70 watts. Eh bien, on va surveiller ça. Finalement, peut-être qu'il y aura encore la méthode scientifique à cette époque-là pour pouvoir suivre les aventures de Dragonfly sur Titan. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 sur France Culture, le troisième dossier de ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Vous qui êtes une auditrice, un auditeur familier de l'émission, vous avez l'habitude des défis que nous avions qualifiés de mission impossible ou d'Indiana Jones de la science par le camarade Sylvain Guilbeault qui n'a pas son pareil pour résumer la désintégration du Maison Bêta ou les états limites du condensat de Bose-Einstein en moins de 10 minutes. Eh bien, figurez-vous que Sylvain, si tu nous écoutes, tremble car ton trône est aujourd'hui assiégé par le camarade Sean Bailly, ici présent, qui va, sous vos oreilles ébahies, vous expliquer tout dans les moindres détails de la photonique topologique en une dizaine de minutes. Vous savez que le siège, j'essaie de monter comme ça une sorte de saine concurrence entre les chroniqueurs du vendredi. Sean, on vous écoute. Alors, la photonique topologique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Dites-nous tout. Bon, j'ai vraiment la pression là maintenant. Mais non, on est entre nous, vous allez voir. Donc, voilà, tout va très bien se passer. C'est à l'occasion d'un article paru dans le numéro de septembre de Pour la Science, qui est écrit par 3 chercheurs de l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand, donc Guillaume Malpuech, Dmitri Soltnikov et Olivier Bleu. Donc ils travaillent sur la photonique topologique. Donc c'est un domaine de recherche qui s'intéresse à des matériaux très exotiques dans leur comportement. Et ça s'intègre dans une réflexion autour de l'ordinateur du futur. On a parlé tout à l'heure de processeurs avec des nanotubes. Donc là, c'est une piste qui est différente, qui va essayer de dompter les photons pour faire un ordinateur qui va remplacer l'ordinateur aujourd'hui, qui repose sur des transistors au silicium avec des électrons. Donc les électrons, on va les remplacer par des photons. Peut-être peut-on dire pour commencer qu'effectivement, alors on a parlé de loi de Moore longtemps ici, etc. Ouais. Aujourd'hui, on arrive non pas à une saturation, mais disons à une forme de plafonnement. Et c'est pour ça que l'ordinateur quantique étant très loin et encore assez hypothétique, on cherche, le milieu informatique cherche une sorte de solution de transition entre ces transistors que l'on connaît aux électrons et une forme de support à l'information et au stockage de l'information qui serait plus rapide, plus efficace, sans pour autant basculer tout de suite dans la technologie quantique. Absolument. Enfin, l'ordinateur quantique et l'ordinateur optique, c'est deux pistes très, très différentes. Et le nœud du problème, en tout cas, qui nous intéresse ici sur l'ordinateur optique, c'est effectivement le nombre d'opérations que les processeurs actuels peuvent faire par seconde. On est dans l'ordre du milliard d'opérations. Et on ne pense pas, avec la technique actuelle, pouvoir aller beaucoup plus loin, améliorer ça. Alors qu'avec l'ordinateur optique, en théorie, on pourrait améliorer d'un facteur 1000. Donc on aurait 1000 milliards d'opérations par seconde avec un ordinateur de ce type-là. Il y a plusieurs problèmes techniques à résoudre avec cet ordinateur. Le plus gros aujourd'hui, c'est la propagation de la lumière dans les fibres optiques, dans le système photonique. La lumière n'a pas une direction privilégiée quand elle se propage. Dans une fibre optique, par exemple, si on a une impureté et que la lumière arrive dessus, elle va être rétrodiffusée, repartir en arrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va retourner dans le laser qui a émis la lumière et en perturber le fonctionnement. Et donc, pour éviter ça, il y a des systèmes qu'on peut placer à la sortie du laser, hein, qui sont des isolateurs optiques qui vont empêcher la lumière de retourner à l'intérieur. Mais ces isolateurs ont une taille de l'ordre du centimètre et on ne sait pas les miniaturiser. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un ordinateur optique intéressant, il faudrait pouvoir miniaturiser ce système-là. On ne sait pas faire. Du coup, les physiciens sont intéressés à un autre domaine, du coup, qui repose sur les électrons. On revient aux électrons. Des matériaux un peu exotiques qu'on appelle des isolants topologiques. C'est là qu'il va falloir, remonter les manches et nous expliquer, parce que la topologie, c'est un domaine des mathématiques dont on a déjà parlé. Oui. Vous pouvez nous en redire un mot, ce qui va nous permettre de comprendre ce que sont ces isolants topologiques. Voilà. Alors, la topologie, alors, je vais essayer de pas froisser les mathématiciens, mais on peut assimiler ça un petit peu à la géométrie. À la différence que la géométrie va s'intéresser à des propriétés locales, comme la distance entre deux points sur un objet, les angles, la topologie va s'intéresser aux propriétés globales des objets, par exemple le nombre de trous qu'il y a dans cet objet. C'est très important, c'est-à-dire le nombre de trous, c'est bien comprendre, c'est dire qu'un donut et une tasse à café, c'est la même chose, parce qu'il n'y a qu'un seul trou. Voilà, ouais. Ça c'est l'image. On peut déformer tout ce qu'il y a autour, voilà. Du moment qu'il y a un trou, c'est la même chose. Voilà, en fait on peut déformer cet objet, la propriété, le nombre de trous, elle ne va pas changer. Donc ce sont des propriétés globales, et les physiciens se sont rendus compte qu'ils peuvent utiliser ces outils de la topologie pour comprendre des propriétés exotiques de matériaux comme l'isolant topologique. Alors, qu'est-ce qu'il a cet isolant topologique d'intéressant? C'est un matériau qui, en volume, va être un isolant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation de courant dedans, mais à sa surface, on va avoir circulation d'un courant. Et ce courant, parce que c'est une propriété topologique, c'est une propriété qui est globale, c'est-à-dire si on a une impureté à la surface du matériau, les électrons ne vont pas être rétrodiffusés et le courant est unidirectionnel. Dans l'isolant topologique, voilà, on a une circulation des électrons dans une seule direction. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec les photons? Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'isolant topologique avec les photons? On peut préciser que ces travaux sur les isolants topologiques ont valu un prix Nobel de physique en 2016. En 2016, à Duncan Aldan. Duncan Aldan et Michael Kosterlitz. C'est ça, exactement. Je l'ai sous les yeux. C'était le temps que la page se charge, hein, c'est pas du tout ma mémoire. Donc, j'essaye d'être honnête avec les auditeurs, allez-y. Non, mais justement, Duncan Aldan a un rôle très important dans cette histoire, parce que justement, il va montrer que tous les outils topologiques qui ont permis de comprendre l'isolant topologique vont pouvoir être appliqués aux photons. Et c'est ce qui a ouvert cette voie à la photonique topologique. Alors, pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche, les propriétés électroniques de la matière, par exemple si elle est conductrice, isolante ou semi-conductrice, comme dans nos transistors justement des ordinateurs actuels, on utilise une théorie qui s'appelle la théorie des bandes, qui s'appuie sur les propriétés quantiques des électrons. Cette théorie n'expliquait pas justement les isolants topologiques. Et c'est là qu'en rajoutant les outils de la topologie mathématique, on a pu enrichir la théorie des bandes et du coup expliquer ces isolants topologiques. Et donc Aldan a montré qu'on pouvait utiliser tout ce formalisme pour les photons. Donc l'enjeu était maintenant de trouver des matériaux qui exploitaient les photons. Et alors justement, comment est-ce qu'on applique justement ces travaux de recherche sur l'isolation topologique à la photonique, et comment ça permet in fine d'aboutir à ce fameux ordinateur optique dont nous rêvons tous aujourd'hui? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, il fallait concevoir ce qu'on appelle des cristaux photoniques, dans lequel, voilà, on avait cette théorie des bandes qu'on pouvait appliquer, mais à de la lumière. Quand Aldan a publié son papier, justement, pour dire que ça pouvait être utilisé sur les photons, il a mis 3 ans à être publié, parce que les gens n'y croyaient pas, en fait. Les photons sont tellement différents des électrons que ça semblait vraiment absurde. Et finalement, ces dernières dizaines d'années, on a commencé à avoir des matériaux qui, à partir de photons, ont présenté ces propriétés de circulation unidirectionnelle, de propagation unidirectionnelle de la lumière, et donc équivalente aux isolants topologiques. Et aujourd'hui, concrètement, où en sont ces recherches? Est-ce qu'on a réussi déjà à obtenir des prototypes, ou est-ce que c'est pour le moment encore au strict stade du développement théorique? Alors, en laboratoire, on commence depuis une dizaine d'années à avoir des prototypes. Et par exemple, en 2016, donc les auteurs de l'article qui est publié dans Pour la Science, eux, c'est des théoriciens, ils avaient proposé qu'il était possible de combiner plusieurs propriétés pour avoir un système de l'ordre de la centaine de microns qui vont être une source laser et intégrer directement ces propriétés topologiques. Et donc on a tout en un. On est passé de l'échelle du centimètre avec l'isolateur photonique au début à quelque chose de l'ordre de la centaine de microns qui fait source laser et avec ses propriétés topologiques. Et en 2017, au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, l'équipe de Jacqueline Bloch a réalisé en une dimension ce système-là. Et d'autres, depuis en 2018, ont obtenu des systèmes équivalents bidimensionnels. Donc on a franchi une étape très importante dans la production de ces systèmes photoniques, en levant la difficulté de la rétrodiffusion de la lumière dans les fibres optiques. Merci beaucoup, Sean. Vous voyez, Sylvain Guilbeault, si tu nous écoutes, tremble dans ton fauteuil. Nous t'attendons de pied ferme dans 15 jours pour relever un autre défi. On va lancer une sorte de concours tous les 15 jours que les auditeurs pourront suivre. On arrive au bout et au terme de cette émission. Peut-être qu'on fait un dernier tour de table s'il y a d'autres actualités scientifiques récentes ou bien des rendez-vous à venir que vous voudriez mentionner, que nous n'aurions pas évoqué au cours de cette heure, David. Non, juste une petite remarque sur effectivement les isolants topologiques. Ça donne la perspective de pouvoir faire un jour des vrais miroirs sans teint, où vraiment la lumière ne passe que dans un sens, parce qu'aujourd'hui, un miroir sans teint, en fait, c'est juste un effet de contraste. Donc peut-être un jour, on aura des vrais miroirs sans teint dans les films policiers. Ou dans les studios de radio, et on ne verra plus le visage contrarié de mon réalisateur de l'autre côté de la vitre. Sean, un autre mot. Moi, c'est un livre qui sort la semaine prochaine. Lee Smolin, un physicien qui s'intéresse aux fondements de la physique quantique. Donc c'est un livre qui s'appelle « La révolution inachevée d'Einstein, au-delà du quantique ». Et c'est aux éditions Duno. D'accord, et ça sort à partir de... Ça sort Le 4 septembre. Le 4 septembre. Merci beaucoup, on va mettre la référence sur notre fil Twitter, @laméthodefcolivier. Alors moi, je vais peut-être citer un record qui a été battu cet été en juillet par le centre Neurospin du CEA, qui utilise un aimant super puissant qui a atteint un champ magnétique qui bat tous les records, puisqu'il fait 11,7 Tesla. Et ça veut dire que demain, ils vont pouvoir équiper avec cet aimant un IRM d'une précision diabolique qui va être destiné à scruter les tréfonds du cerveau pour déterminer ce qu'ils appellent, pour utiliser une image, le code neural du cerveau, un petit peu par analogie avec le code génétique. Et le premier test, comme ça va très vite, va être fait sur un kiwi. Bah écoutez, c'est une merci pour cette information supplémentaire. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous les trois. Merci Olivier Lascar à la une de Science et Avenir du mois de septembre, les maladies de l'esprit, bipolaire, dépression, stress. Eh bien, on rejoint notre émission de lundi dernier, finalement les grands esprits se rencontrent. Et puis également une interview de Gérard Mourou sur le traitement des déchets nucléaires. À la une de Pour la Science, agriculture, biodiversité, la fin des insectes, les chiffres d'une catastrophe annoncée également, mission Gaïa, la Voie lactée, cartographie en 3D, et puis bientôt la prochaine vidéo, David Loapre. Ce sera sur le vol des avions, on parlait de vol aujourd'hui justement. Merci beaucoup à tous les trois, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Alexandra Delbeau, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulle, Francéline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Laurie Vachon à la technique. La semaine prochaine, on prend les mêmes et on recommence. Lundi, nous vous parlerons de P. gingivalis, cette bactérie responsable des gingivites qui est un candidat suspect dans de nombreuses autres pathologies, dont la maladie d'Alzheimer. Mardi, nous vous parlerons de ces étranges galaxies noires en voie d'extinction. Mercredi, mercredi, vous comprendrez tout au plan machiavélique de Facebook qui s'apprête à lancer sa crypto-monnaie. Jeudi, nous reviendrons sur la controverse de l'été autour du hashtag NoFakeScience. Et pour notre premier vendredi fiction de la saison, rentrée littéraire, nous recevrons les auteurs Jean Barret et Virginie Tournet. Demain, Étienne Klein, toujours au rendez-vous de la conversation scientifique à 16h. Bon pied, bon oeil. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.